Yes, Warwick Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Chers amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualité politique, économique et culturelle, initiation à Hangul, découverte gastronomique et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 7 mars 2024. Voici les principaux titres de l'actualité. Pyongyang, Kim Jong-un souligne l'intensification des préparatifs de guerre. Seoul cherche à intégrer l'intelligence artificielle dans l'industrie manufacturière. Enfin, Tiffany Genestier nous rejoindra pour parler tatouage et K-pop. En Corée du Nord, Kim Jong-un a visité hier une base d'entraînement de l'armée située dans l'ouest du pays. D'après l'information relayée aujourd'hui par l'agence de presse officielle de l'État communiste, la KCNA, le dirigeant y a inspecté les installations d'entraînement et supervisé aussi les exercices de chaque unité de combat participante. Le média d'État a rapporté que le jeune leader avait manifesté sa grande satisfaction quant aux manœuvres des soldats et salué leur esprit du combat et de révolution. Toujours d'après la KCNA, Kim III a tout particulièrement souligné la nécessité de s'avancer vers un nouvel âge d'or de l'intensification des préparatifs de guerre. Sachez que son déplacement d'hier est intervenu 2 jours après le lancement des nouveaux exercices militaires conjoint Séoul-Washington, baptisé Freedom Shield. Le Nord y a réagi violemment. Dans un communiqué publié mardi, son ministère de la Défense a prétendu que ces opérations augmentent l'imprévisibilité de la situation dans cette région où les hostilités ont simplement été suspendues. Toujours dans notre chapitre relatif à la Corée du Nord, le Conseil des gouverneurs, un des 2 organes directeurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, s'est réuni lundi à son siège à Vienne. Hier, ses 35 membres, dont la Corée du Sud, ont débattu du dossier nucléaire nord-coréen. À cette occasion, son ambassadeur basé dans la ville européenne a exhorté Pyongyang à cesser immédiatement ses activités nucléaires illégales et à respecter les obligations internationales. Dans sa prise de parole, Ham Sang-ok a indiqué que les régimes de Kim Jong-un nuisaient sérieusement à la paix et à la stabilité dans la péninsule comme dans le monde. Il a alors évoqué le fait que le Nord a inscrit son statut d'état nucléaire dans la constitution et s'est aussi autorisé à mener une frappe atomique préventive. Le représentant sud-coréen a également appelé les pays membres de l'AIEA à reconfirmer d'une seule voix que la communauté internationale ne tolérera pas son programme atomique et reconnaîtra pas son statut d'état nucléaire. Dans le même temps, Ham a fait part de sa préoccupation à l'égard de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, avant d'enjoindre les deux alliés à arrêter leur acte contraire aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis font pression sur leurs alliés et partenaires pour qu'ils renforcent leur contrôle des exportations des technologies des semi-conducteurs vers la Chine. C'est l'agence Bloomberg qui a publié hier cette information. Selon le média américain, l'administration de Joe Biden a exhorté le gouvernement néerlandais à empêcher son fabricant de machines de lithogravure des puces électroniques ASML à ne pas offrir le service après-vente à ses clients chinois. Elle souhaite aussi que les sociétés de semi-conducteurs japonaises restreignent l'expédition de leurs produits vers l'empire du milieu. Parmi ces firmes citées figure JSL. Cette entreprise fabrique les résines photosensibles indispensables à la gravure des puces. Plusieurs autres pays acteurs clés de la chaîne de production mondiale de semi-conducteurs, comme l'Allemagne et la Corée du Sud, ne sont pas épargnés eux non plus. À en croire Bloomberg, Washington espère que ces nations font front commun avec lui pour étendre les restrictions d'exportation de semi-conducteurs vers le géant asiatique. Toujours dans notre dossier technologique, mais sur un tout autre sujet, la Corée du Sud compte exploiter l'intelligence artificielle IA dans l'industrie manufacturière. De fait, son gouvernement s'est mis à élaborer une feuille de route visant à aider les entreprises privées à transformer leurs processus de production pour intégrer de nouvelles pratiques et méthodes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a réuni aujourd'hui les représentants de plusieurs firmes concernées, dont LG Electronics et LS Electric, afin d'y réfléchir conjointement. Le plan vise notamment l'automatisation de tous les procédés de fabrication en les associant à l'IA industrielle, aux différents équipements ou encore aux données nécessaires. Actuellement, plusieurs filières comme l'automobile et le semi-conducteur ont recours à la robotique pour automatiser leurs lignes de production, mais cela est encore jugé insuffisant. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Et retrouvons à présent Tiffaine qui vient nous parler de tatouages et de K-pop. Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales a commandé ce lundi une étude pour étendre la pratique du tatouage aux non-professionnels de santé. Pour information, actuellement, cette activité n'est autorisée légalement qu'aux personnes ayant étudié la médecine à l'université. Le gouvernement a annoncé que l'étude portera sur l'établissement d'un système d'examen des qualifications des tatoueurs, ainsi que sur la mise en place d'une formation continue. Le ministère prévoit de dévoiler son rapport final en novembre et d'utiliser les résultats pour élaborer des nouvelles politiques spécifiques à ce domaine. Un responsable a expliqué que cette initiative faisait suite à une forte demande sociale en faveur de la réglementation de la pratique du tatouage. Le bras de fer entre le gouvernement et les organisations médicales se prolonge en raison du projet d'augmentation du numerus clausus dans les écoles de médecine, et cette étude et les mesures qui pourraient potentiellement en découler risquent d'attiser le feu du conflit. L'exécutif a d'ores et déjà prévu une forte opposition du secteur médical. Cela pourrait en effet être interprété comme une tentative de réduire le champ d'action des professionnels de santé. Et sans transition pour terminer, le Seraphim Girls Band de Source Music, label de Hybe, a débuté à la 99e place du Billboard Hot 100 avec Easy. Il s'agit du titre principal de son troisième EP dans les bacs depuis le 19 février dernier. C'est le classement américain qui l'a annoncé hier après sa dernière mise à jour hebdomadaire. Face à ce nouvel exploit, les 5 idoles ont réagi ce matin en transmettant par l'intermédiaire de leur agence un message de remerciement à leurs fans. Le mini-album du groupe, du même titre que sa chanson principale, a quant à lui occupé le 8e rang du Billboard 200 qui comptabilise les meilleures ventes d'albums aux États-Unis. Le Seraphim devient ainsi le 4e groupe féminin de K-pop à intégrer en même temps le Hot 100 et le Billboard 200. Il a été précédé de Blackpink, Twice et NewJeans. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Tiffaine Junestier et Kim Mongju. Passez une excellente soirée avec nous sur KBS World Radio. En mars quand il fait beau, prends ton manteau. En mars quand il tonne, chacun s'en étonne. Voici votre question, tendez l'oreille du mois de mars. Hanbok est le nom du costume traditionnel coréen. Mais c'est aussi le titre d'un livre ayant récemment été primé au Festival d'Angoulême. Quelle autrice a été lauréate du Fauve spécial du jury avec cet ouvrage titré Hanbok? Si vous n'avez pas la réponse, écoutez ou réécoutez nos récentes éditions de l'invité du mercredi. Ou fouillez notre page Facebook ou notre compte Instagram. Envoyez-nous vos réponses et vos coordonnées en message privé. Ou par mail à french@kbs.co.kr. Bonne chance à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Séoul, au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Savez-vous que les Africains sont de grands consommateurs des maquereaux sud-coréens? Allez, découvrons ensemble pourquoi ces poissons gagnent en popularité à l'autre bout du monde. Selon les données de l'Institut maritime de la Corée, KMI, l'année dernière, la Corée du Sud a vu le montant de ses exportations des maquereaux congelés bondir de 63% en glissement annuel. La plus grande partie de ces poissons a été vendue à des pays du continent africain. Le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont représenté 70,5% des ventes au quatrième trimestre de 2023 et plus de 60% pour l'ensemble de l'année. Pourquoi alors les Africains consomment plus de maquereaux sud-coréens? À l'origine, ils en achetaient principalement à la Russie et au Japon. Cependant, suite à la guerre russo-ukrainienne, les sanctions commerciales sur les exportations russes se sont intensifiées. Quant au Japon, il a diminué son marché de la pêche depuis le rejet d'eau contaminée de la centrale accidentée de Fukushima. Et donc, ça a fait diminuer le nombre de maquereaux capturés. C'est dans ce contexte que la Corée du Sud a saisi une nouvelle opportunité. Elle a notamment mis en avant le bon rapport qualité-prix de ses poissons. Deux tiers des produits issus de la pêche sont des maquereaux tachetés, une espèce de petite taille. Ils sont principalement utilisés comme aliment pour animaux dans le pays, car les Sud-Coréens ont pour coutume de manger les poissons rôtis ou en ragoût. Et donc, ils préfèrent des espèces plus grandes, importées depuis la Norvège par exemple. Or, en Afrique où l'on mange quotidiennement le poisson fumé, les maquereaux tachetés ont une taille idéale. D'après un responsable de secteur halieutique, les Africains ont tendance à obtenir leur apport en protéines avec les poissons et les fruits de mer plutôt qu'avec de la viande. Et dans ce contexte, les maquereaux sud-coréens gagnent en popularité, notamment grâce à leur prix compétitif. Avant d'enchaîner avec la nouvelle suivante, faisons une petite pause musicale. Voici Macro de Norazo. Maintenant, Séoul, dans un bar situé au quartier d'Uljiro. Le concept de cet endroit est très spécial. La règle d'or, les clients n'ont pas le droit de se parler, même pour commander. Il faut le faire silencieusement sur Instagram ou Kakao Talk. Dans cet endroit rempli de jeunes, on entend seulement des musiques aux sonorités de guitare électronique. Selon le journal Chosun Ilbo, les bars et les cafés qui interdisent de dialoguer se sont multipliés ces dernières années. Les clients sont principalement des jeunes de 20 à 39 ans. Ils sont satisfaits de pouvoir se concentrer sur leur verre ou rêver, plonger dans leurs pensées sans être dérangés par personne. Certains de ces commerces silencieux tentent de rendre l'endroit encore plus calme. Ils mettent alors des musiques douces et utilisent des moulins à café manuels qui font moins de bruit que ceux électriques. C'est le cas du café Tim Mook, qui signifie « silence » en français, situé dans le quartier de Shincheon à Séoul. Une fois arrivés, les clients reçoivent un document leur indiquant les règles à suivre. Ici, ils sont incités à ne pas dialoguer et cela comprend le fait de ne pas chuchoter, sauf bien sûr pour commander ou payer. Il est aussi recommandé de mettre son téléphone en mode silencieux et de prendre des photos en faisant le moindre bruit possible. Chung Yun Yang, le patron du café, explique sa démarche. Il adore lire dans des cafés dans une ambiance calme, tranquille, tamisée. Mais il arrive souvent que ce moment soit gâché par les bruits des personnes assises près de lui. C'est pour créer un endroit où l'on peut lire tranquillement à tout moment qu'il a ouvert ce café. Le nombre d'établissements sans bruit est estimé à une dizaine sur tout le territoire. Le concept plaît aux personnes qui veulent rester tranquilles sans se sentir seules. Selon les experts, ces endroits reflètent l'envie des contemporains d'avoir de la compagnie pour éviter de s'isoler, mais qui souhaitent en même temps s'échapper du stress des relations humaines. Un spécialiste a expliqué qu'il s'agit aussi d'un nouveau mode de communication qui combine le en ligne et le hors ligne, compte tenu du fait que les commandes sont passées via les réseaux sociaux. Maintenant, je vous propose un petit répit musical avec We Need to Talk de The Jadoo. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. À vos agendas, le spectacle de danse classique, le Lac des Cygnes, se tiendra à LG Art Center à Séoul à partir du 27 mars. Et nouveauté, Odette change de visage. C'est Han Su-yeon, danseuse de 21 ans qui a rejoint le Korean National Ballet en 2021, qui interprétera le personnage vedette du ballet. C'est très rare qu'une coryphée, à qui l'on donne un court rôle de soliste, soit le personnage principal de l'œuvre de Tchaïkovski. Dans l'histoire de la Compagnie nationale de Corée du Sud, elle est la deuxième à avoir cet honneur. Selon le quotidien Chungang Ilbo, lorsque Han a appris cette nouvelle, la première chose qui lui est venue à l'esprit est « Comment vais-je faire ?» Parce que depuis qu'elle est devenue membre de la compagnie nationale, elle n'a fait que de la danse en groupe. Ce n'est que l'année dernière qu'elle a interprété un rôle important, la poupée espagnole, dans Casse-Noisette. Sa réponse était humble, mais la jeune danseuse possède un talent exceptionnel. Ayant commencé la danse à 5 ans, elle a été admise dans une école de prodiges 4 ans plus tard, à 9 ans. Puis, en première année de lycée, elle a participé à un concours où elle a attiré l'attention d'un responsable du Houston Ballet aux États-Unis. Elle a alors intégré l'Académie de ballet sous cette compagnie en tant qu'étudiant boursier. Cependant, la jeune femme est aussi passée par des périodes de grandes difficultés. L'an dernier, elle a dû mettre entre parenthèses sa carrière pendant 6 mois à cause d'une fracture du métatarse. Durant son repos, elle a passé son temps dans un centre de sport pour garder la ligne obligatoire chez les danseurs de ballet. Et elle a perdu 6 kilos. Kang Soo-jin, la directrice du Korean National Ballet, a qualifié Han de, je cite, « danseuse dotée d'une technique impeccable ». La jeune ballerine doit donc se concentrer à présent pour améliorer ses expressions et mieux faire passer l'émotion. Ces jours-ci, sa journée commence à 11h. Elle suit d'abord des cours en groupe à la compagnie nationale, puis elle répète son rôle jusqu'à 18h. Le soir, elle pratique seule. Mais que fait-elle de son temps libre? Le Jong-un Ilbo lui a posé la question et Anne a répondu qu'elle ne faisait rien d'autre que danser. Même pendant ses jours de repos, elle va à la salle de sport ou de répétition. Ou sinon, elle reste à la maison car il ne lui reste plus aucune énergie pour faire autre chose. En voyant son travail acharné, cela donne envie de voir sa performance pour laquelle elle se donne corps et âme. Pour notre troisième pause musicale, écoutons ensemble Fly High de Dreamcatcher. De quoi se réjouir en musique. Mais quelle chanson sera la gagnante de cette saison douce et pleine d'espoir? En Corée du Sud, on appelle Bom Carol les mélodies que les publics écoutent à cette époque. C'est un peu comparable aux Christmas Carol, les chants de Noël en anglais. Le titre le plus connu concernant cette saison des fleurs est Cherry Blossom Ending de Busker Busker. Cette chanson, des débuts de ce groupe, aujourd'hui dissous, remonte sur le podium des charts chaque année quand le printemps arrive. Et ce, depuis sa sortie en 2012, Boom Boom Boom de Roy Kim et Not Spring Love ou Cherry Blossom de Hi-Fo et IU sont aussi des morceaux très appréciés durant cette saison depuis près de 10 ans. Il ne faut pas oublier, bien sûr, Spring Day de BTS. Or, l'année dernière, aucun nouveau titre printanier n'a conquis le cœur des Sud-Coréens. Le classement a été dominé par des tubes de girls band, aux rythmes entraînants, certes, mais rien à voir avec ce qui marchait autrefois. On y retrouve notamment Ditto et Oh My God de New Jeans, Kitsch, interprété par Ive, et Teddy Bear de Stacy. Cette année encore, plusieurs titres restent longtemps tête du peloton, et ce peu importe le changement de saison. Notamment Pam Yangeng de BB a fait un tabac, tandis que TWS avec Plot Twist a remporté un succès sans précédent pour un nouveau boys band. On y voit aussi Love Wins All d'IU et Easy de Le Seraphim qui vient tout de suite de sortir. Mais les dés ne sont pas encore jetés cette année. Tout d'abord, Roy Kim a fait son retour avec un nouveau single, When Spring Comes. Il y décrit le réconfort que ses proches lui ont apporté lors de moments difficiles de sa vie. Ce tube mêle la douceur et la sensibilité que le chanteur a acquis au cours de sa carrière. On peut aussi citer l'auteur, compositeur, interprète Paul Kim. Lui aussi annonce le début du printemps au monde de la musique. Il y a deux jours, il a sorti son titre Blooming Just For You. Il a collaboré avec le chanteur et l'acteur thaïlandais Nguyen Nhu. Cette chanson est très mignonne, elle compare l'être aimé à une fleur. Enfin, V, membre de BTS, sortira le 15 mars Friends. Actuellement en service militaire, il a préparé ce titre avant de rejoindre la caserne en décembre dernier. Il s'agit d'une chanson d'amour du genre pop soul R&B avec l'intégralité des paroles en anglais. Avant de passer le micro à Tiffen Genestier pour sa chronique Inside KBS, je vous présente quelques commentaires sur la vidéo What's in my bag de Chanson Jay. Nous l'avons accueilli pour Invité du mercredi d'hier. Sur Instagram, l'ami Laurie nous a écrit « Wow, je vais vous suivre et m'abonner à votre activité sur SNS ». Et Marie-Jo Dream 6 a dit « Waouh, Chanson J, c'est le sac de Mary Poppins. Merci de nous avoir dévoilé l'intérieur de votre sac, votre intimité. Je me suis de suite abonnée à votre compte. » Je suis d'accord, c'était très intéressant de voir ces objets du quotidien, surtout ceux qui l'ont inspiré pour sa musique. Merci pour votre commentaire. En attendant, Inside KBS, écoutons ensemble la fameuse chanson du printemps. Voici « Cherry Blossom Ending » de Busker Busker. C'est à présent le moment de retrouver Tiffen pour notre rendez-vous du jeudi dans les coulisses de la KBS. La semaine dernière, Hongju nous a fait découvrir les secrets de la production d'une émission spéciale. Et aujourd'hui, nous repartons explorer les coulisses de la seconde cantine de la KBS. Allez, c'est parti, Tiffen nous en dit plus. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jeudis depuis la nouvelle programmation pour explorer ensemble les recoins de la KBS. Et aujourd'hui, reprenons notre rallye culinaire, si je puis l'appeler ainsi. Je vous amène avec moi dans la seconde cantine où les KBSiens se restaurent. Vous êtes prêts? C'est le moment de rentrer. Inside KBS. Rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'à l'intérieur de la KBS, il y a deux restaurants. On avait décidé d'aller au Bongwan Chiktang la dernière fois, qui se trouvait dans le bâtiment principal. Eh bien, aujourd'hui, c'est parti pour une visite du Xinguan Chiktang. Chiktang veut dire restaurant, et dans le mot Xinguan, vous retrouvez Xin qui veut dire nouveau. Et oui, nouveau, car cette cantine se trouve dans le second bâtiment de la KBS. On l'appelle aussi KBS IBC Building. Géographiquement, c'est celui qui est le plus proche de l'Assemblée nationale, alors que le bâtiment Bongwan, lui, se trouve en face du parc Kyoido. Mais trêve de bavardage, il est maintenant l'heure d'aller manger. Ni une ni deux, nous voilà dans l'ascenseur. Pour aller au Xinguan Chiktang, il faut marcher un peu plus que pour se rendre au Bongwan. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Pour aller déjeuner dans cette cantine, nous devons passer devant plusieurs lieux emblématiques de la KBS. Par exemple, on voit sur notre droite des plateaux télé où sont filmés tous les matins des émissions phares des chaînes télé de la KBS. Par exemple, Atim Madang, une émission quotidienne que vous connaissez peut-être sous le nom de AM Plaza. Puis, on emprunte la passerelle qui rejoint les deux bâtiments. À l'intérieur de ce couloir construit de baies vitrées, des affiches, des émissions et dramas qui ont marqué l'histoire de la KBS sont affichées. Ça me fait un peu penser à KBS On, le musée de la KBS dont on a parlé précédemment. Nous voilà donc arrivés dans le second bâtiment. Dans le couloir, on voit des guichets où des employés de banque travaillent. C'est la Shinhaneng qui est à l'intérieur de l'entreprise. Bref, je m'égare, revenons-en à nos moutons ou plutôt à notre déjeuner. Après avoir emprunté les escaliers et être descendu d'encore un étage, nous voilà arrivés. Et là, le processus est sensiblement le même que dans l'autre cantine. Avant de se servir, on doit prendre un ticket repas à la borne. Ça coûte 5000 won, soit environ 3,50€. Le prix est donc le même qu'au Bongwan Chiktang. À côté des bornes de paiement, on trouve le menu. Et il est aussi sur l'intranet de la KBS qui s'appelle showbiz. Et là aussi, on peut le voir sous forme de maquette. Nous avons le choix entre 3 menus. Allez hop, on prend notre ticket et c'est parti pour se décider. Sur un des plateaux est toujours présentée de la nourriture traditionnelle sud-coréenne, par exemple de la tteokguk, cette soupe de bâtons de gâteau de riz coupé en tranches, ou du gamjatang, un ragoût de viande de porc et de pommes de terre. Le second plateau est souvent composé de nourriture qui, en coréen, est appelée gamsik. En français, on peut le traduire par casse-croûte. C'est un repas plus rapide à manger que les Coréens peuvent dévorer à toute heure de la journée. Par exemple, des ramyeon. Vous savez, ces nouilles instantanées cuites dans un bouillon. Mais petite information qu'on ne sait pas toujours à l'étranger. On peut aussi les manger en bokkeum ramyeon. Ça veut dire qu'elles sont sautées. Et oui, en Corée du Sud, une grande variété de nouilles est à notre portée. Hier, par exemple, c'est ce que j'ai mangé. Devineriez-vous qu'est-ce que j'ai choisi ? Des jajang ramyeon. Vous connaissez sans doute les jajangmyeon, ce plat chinois de pâte avec de la sauce marron. Eh bien là, c'est la même chose, mais avec des nouilles coréennes. Et la sauce cuisinée à partir d'un sachet de préparation instantanée. Et le troisième menu est mon préféré. Allez, petite devinette. Avez-vous déjà vu manger des collégiens, des lycéens ou encore même des étudiants dans les restaurants scolaires en Corée du Sud? Dans quoi mangeaient-ils? Des bols? Non. Des assiettes? Encore moins. Ils mangent généralement leur repas directement sur leur plateau. Vous savez, ils ne se servent pas dans plusieurs contenants qu'ils posent sur celui-ci. Des compartiments y sont directement intégrés. Allez, pour vous donner une idée, ça ressemble à certains plateaux pour bébés que l'on peut trouver en Europe ou en Amérique. Et je ne vous ai pas encore dit le plus amusant. Lorsqu'on opte pour ce menu, on se sert tout seul. Autrement dit, on prend la quantité que l'on veut. C'est pas génial, ça ? Bien sûr, le plat principal est lui souvent donné dans un bol qui a son emplacement spécial sur le plateau, puisque souvent c'est de la soupe. Ça serait compliqué de se servir par soi-même sur un plateau qui n'est pas très profond. Mais à part cela, on peut se servir beaucoup de riz et pas beaucoup de kimchi. Ou inversement, ou beaucoup des deux si on veut. Le tout est bien entendu de rester raisonnable pour ne pas faire de gaspillage alimentaire. Et enfin, le dernier menu, je me dois d'en parler car Hongju les adore, les salades du Shingwan Sikdang. Beaucoup plus nourrissantes que celles du Bongwan, elles sont composées de légumes, de salades évidemment, mais aussi de petits dés de bacon ou encore de surimi mayonnaise ou de thon. Des salades, oui, mais des salades tempeh s'il vous plaît. Elles sont aussi servies avec, en général, un petit pain ou une petite brioche et un jus ou un yaourt à boire, et elles sont délicieuses. Si vous voulez manger léger tout en vous régalant, c'est définitivement ici que vous devez déjeuner. Nous voici servis, c'est l'heure de manger. Des dizaines, que dis-je, peut-être même des centaines de personnes se pressent dans ce grand restaurant à l'heure du déjeuner. Mais qu'entendons-nous au loin ? Mais c'est de la K-pop, TXT si je ne m'abuse. Ah mais oui, c'est vrai, le Shingwa Chikdang est juste à côté de la scène sur laquelle est enregistrée l'émission de K-pop Music Bank. Il est juste à côté des loges aussi. Et si un jour, après déjeuner, on allait s'y promener ? Restez avec nous les prochaines semaines pour en savoir plus. On a bien mangé, c'est l'heure de débarrasser notre plateau. Là aussi, nous devons mettre notre cuillère dans un bac et nos baguettes dans un autre. Aussi, nous devons mettre tous nos restes de nourriture dans seulement une assiette pour faciliter le tri des déchets des employés. Et oui, car en Corée du Sud, on composte. Tous les déchets alimentaires pouvant se transformer en compost sont mis dans une poubelle à part. Ah, j'ai failli oublier. Saviez-vous qu'ici, les Coréens ne boivent que très peu en mangeant? Ce qui est assez logique, puisqu'ils ont souvent sur leur plateau une soupe ou un bouillon. En revanche, ils boivent souvent juste après avoir mangé. C'est pourquoi, juste après le Twishigu, là où on dépose nos plateaux, il y a des fontaines à eau. Et là aussi, c'est assez drôle pour moi. L'eau n'est pas juste froide ou à température ambiante. Elle est soit très froide, soit très chaude. De quoi facilement se faire un thé après manger. Ça y est, on a fini notre repas et on a débarrassé notre plateau et nous nous sommes bien hydratés. Allez, c'est le moment de reprendre l'ascenseur et d'aller préparer le prochain épisode de votre émission favorite. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de notre visite de la semaine. Mais soyez rassurés, on se retrouve même jour, même heure, même fréquence la semaine prochaine. Inside KBS. voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Lee Ji-hyun à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio. Auditeurs, dans le cadre de la nouvelle programmation, nous vous invitons à réviser du lundi au jeudi les expressions de notre cours de coréen avec le drama Le Bon Docteur. Cette série médicale met en scène les efforts et l'amour de spécialistes en pédiatrie dans un hôpital universitaire, notamment interprété par Chu Won et Moon Se-won. Nous aborderons deux numéros par jour qui ont été diffusés pour la première fois sur nos ondes en 2016 pour que vous puissiez les connaître par cœur. Vous pouvez toujours regarder les extraits sur le site dans la rubrique Annyeonghaseyo. Bon apprentissage! Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission de coréen où nous découvrons un peu la langue coréenne à travers un drama, une série coréenne que vous commencez à bien connaître si vous nous suivez depuis le début de cette année et qui s'appelle Le Bon Docteur, Good Doctor. Et cette semaine, nous sommes plongés un peu au cœur de l'avenir de l'hôpital Sangwon avec un personnage que nous découvrons pour la première fois, n'est-ce pas, Louis? Oui, c'est la petite amie de Kim Do-han, l'un des principaux protagonistes du drama, qui lui-même chirurgien au service de chirurgie pédiatrique. Oui, qui se dit en coréen Soa Wegwa. Et donc la jeune femme, qui s'appelle Moon Jae-kyung, est aussi la belle-fille de la présidente actuelle de l'hôpital. Après le décès de sa mère, son père s'était marié avec donc Lee Yo-won. Oui, c'était remarié avec Lee Yo-won. Et c'est cette même Lee Yo-won qui a hérité de la présidence de l'hôpital à la mort de son mari. Et la jeune fille a du mal à accepter cette situation. Mais heureusement, elle est bien entourée, ce qui lui permet de réfléchir clairement pour prendre les bonnes décisions. Allez, écoutons l'extrait de cette semaine. Nous retrouvons dans cet extrait Kim Do-han dans le bureau de son ami Yoo Tae-kyung. Il l'a apparemment cherché puisqu'il lui dit Où est-ce que tu étais passé toute la journée? Nous avons étudié cette phrase hier et il rajoute Samushiledo opko, tu n'étais même pas au bureau. Il était donc passé la voir et elle n'était pas là. Alors, Louis, comment dit-on le bureau? Samushil. Ouais, c'est ça. Alors là, nous avons la forme grammaticale dro opta. Hein. Tout d'abord, la particule dro apposée au nom qui donne le sens aussi également. Mais ici, comme elle est suivie du verbe d'absence, opta, ne pas se trouver, ne pas y avoir, on la traduira par non plus. Alors prenons un exemple. Essaye de nous dire il n'a pas d'argent. 그는 돈이 없어요. C'est ça, 그는 돈이 없어요. Et maintenant, il n'a pas non plus d'argent, ou il n'a même pas d'argent. 그는 돈도 없어요. Bravo. Tu as remplacé la particule i qui marque le sujet par la particule do qui, à cause de la négation, donne le sens de non plus. Et alors pour dire il n'a pas d'argent ni d'amis, donc il n'a ni argent ni amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut tout simplement rajouter la particule do à chacun des noms suivis bien sûr par le verbe négatif. Essayez voir. 그는 돈도 친구도 없어요. Excellent. Il suffit donc de remplacer la particule sujet par do. Allez, on va répéter toutes ces phrases en essayant de bien les prononcer. On commence par 그는 돈이 없어요. 그는 돈이 없어요. 그는 돈도 없어요. 그는 돈도 없어요. 그는 돈도 친구도 없어요. 그는 돈도 친구도 없어요. Et la phrase de notre extrait 사무실에도 없고. Samushi les dos obgo. Très bien. Il l'a cherché partout, jusque dans son bureau où elle n'était pas. Où était-elle donc? C'est ce que nous découvrirons demain. Mais avant de nous quitter, écoutons une nouvelle fois l'extrait en entier. Rendez-vous demain pour la suite. Vous écoutez actuellement la rediffusion de notre cours de coréen à Nyonghaseyo. Nous continuons tout de suite avec notre deuxième numéro de la journée, extrait du drama Le Bon Docteur. Bonne écoute. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour votre émission de coréen. Nous découvrons un petit peu chaque jour du vocabulaire et des expressions coréennes à travers un drama, en l'occurrence Good Doctor, le bon docteur. Et l'extrait que nous voyons cette semaine est tiré du 15e épisode de la série, avec l'avenir de l'hôpital Sangwon qui semble en jeu, n'est-ce pas? En effet, Yoo Chae-kyung, la belle-fille de l'actuelle présidente, est tiraillée entre l'option de devenir elle-même présidente, mais à la merci d'un investisseur qui veut transformer l'hôpital en une institution pour riches, ou se rallier à la femme que son père avait épousée après le décès de sa mère, pour laquelle elle éprouve toujours des sentiments très mitigés. C'est ce que nous allons découvrir dans l'extrait que je vous propose d'écouter tout de suite. La scène se déroule dans le bureau de Yoo Chae-kyung. Le docteur Kim Do-han est là. Il a finalement réussi à la trouver, lui qu'il avait cherché toute la journée. Écoutons-la à nouveau lui dire où elle était. 그냥 여기 저기. 그냥 여기 저기, juste ici et là. Alors, c'est notre expression de la semaine. Alors, 그냥 est un adverbe qui a le sens de comme ça, sans raison. Et 여기 저기 veut dire ici et là, ou en divers endroits. Alors, séparément, 여기 est un pronom qui signifie ici, et 저기 là. Alors, par exemple, j'aimerais habiter ici, se dira... 저는 여기서 살고 싶어요. Très bien. Et il suffit simplement de changer par 저기 pour dire là. Alors retenez toujours que ici et là se dit 여기 저기. 정회장 쪽은 정리했어. 정회장 쪽은 정리했어. J'ai mis fin à l'arrangement avec le président Chang. Alors Yoo Chae-kyung explique qu'elle n'était pas là parce qu'elle a réglé l'affaire avec celui qui comptait racheter l'hôpital. L'investisseur qui lui avait proposé de prendre la présidence. Exactement. Et elle l'appelle par son titre Hae-jang, qu'elle a apposé à son nom de famille. Jang Hae-jang. Hae-jang voulant dire président. On a entendu aussi le verbe Jeong-li-hada. Jeong-li-hada. Oui, Jeong-li-hada. Ce verbe a le sens de ranger, mettre de l'ordre, mais aussi régler. Liquider, ce qui est plus le cas dans ce contexte. Donc, en fait, elle veut dire qu'elle a réglé son accord avec lui et qu'elle n'acceptera donc pas sa proposition. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que la menace de rachat ne soit pas réelle. On remarque aussi dans ce qu'elle dit, tuk, qui peut se traduire par côté. Et donc ici par du côté du président Chang en ce qui le concerne. Allez, on répète une fois cette phrase. Chang Hae-jang 쪽은 정리했어. 정회장 조금 정리했어. Et cela rassure aussi son petit ami, hein, Kim Do-han. On ne l'entend pas dans notre extrait, mais il lui dit « Chalesso, tu as bien fait ». Ah, c'est bien, c'est une décision que lui aussi attendait d'elle. Oui, et ça va en plus certainement arranger leur couple qui n'allait pas très fort depuis quelque temps. Ah bon, c'était peut-être compréhensible finalement. Ils ont chacun pas mal de responsabilités et sont certainement très occupés par leur travail. Oui, on avait même vu au début de la série que Kim Do-han était rentré précipitamment de quelques jours de vacances avec Yoo Chae-gyeong pour s'occuper d'un malade. Son métier passait à ce moment-là avant sa relation personnelle. Alors, d'abord, répétons ce qu'il dit. Chalhesso. Chalhesso. Oui, alors, chal, donc, on l'a vu plusieurs fois, ça veut dire bien. Et hada, c'est le verbe faire conjugué au passé. De manière un peu plus polie, on dira. Chalhessoyo. Oui, c'est ça, chalhesso. Ou encore, chalhassoyo. Chalhassoyo. Voilà. Ça a l'air en tout cas de s'arranger entre eux. En espérant que l'avenir de l'hôpital ne soit pas mis en danger à cause d'enjeux financiers. Bon, avant de nous quitter, écoutons à nouveau ce passage en entier. "하루종일 어디 갔었어? 사무실에도 없고." "그냥 여기서 보험상품권 정리했어." Nous vous donnons rendez-vous demain pour faire une révision générale des principaux points que nous avons vus cette semaine. Annyeonghaseyo. Suivez la K-Way. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Suivez la K-Way où nous vous retrouvons chaque jeudi autour d'un thème, le plus souvent d'actualité, sur lequel nous discutons pour mieux comprendre ce qui fait la Corée d'aujourd'hui avec ses réalités, ses contradictions et peut-être parfois ses modes qui peuvent avoir une influence sur la scène internationale. Et pour vous aider à être au cœur de ces tendances, vous êtes accompagné par Xavier Liaudet, votre guide sur le chemin de la K-Way, et Jisoo François Kim, youtubeur de renom. Allez, vous êtes prêts? Laissez-vous allumer! Jisoo, bonjour. Bonjour Xavier. Le verbe de notre slogan « Hallyume » que nous avons créé plaît à beaucoup de nos auditeurs comme Daniel Villon. Eh bien, tant mieux s'il trouve drôle ce néologisme composé de « Hallyu » qui désigne la vague coréenne et « allumé » combinaison pour dire que nous suscitons votre intérêt pour la culture coréenne. Merci hein, pour cette brillante idée. Alors, nous sommes désormais au mois de mars, qui est un mois important hein, pour plusieurs raisons. Alors, laisse-moi trouver, c'est parce que c'est ton anniversaire, c'est ça? Bon, ça n'intéresse presque personne, mais même si c'est vrai. Ah, tu vois, donc on en reparlera, c'est parce que c'est la fin de l'hiver avec le printemps qui arrive. Oui, je pense que beaucoup de nos amis de l'hémisphère nord doivent être heureux. Mais en Corée, le mois de mars, c'est le mois de la grande rentrée. Ah oui, c'est important ça. Tous les scolaires en Corée rentrent à l'école au mois de mars. C'est original en tout cas par rapport à l'Europe et en Amérique du Nord parce que là-bas, c'est plutôt fin août-septembre. Mais ici, la rentrée, c'est le 2 mars. En effet, normalement, le 2 mars, puisque le 1er mars est un jour férié, Samiljol, le mouvement d'indépendance du 1er mars, dont on a parlé la semaine dernière. Mais cette année, comme le 2 tombait un samedi, c'est donc le 4 mars dernier qu'a eu lieu la rentrée. La date est en effet la même pour tous, petits et grands. En coréen, on dit Kaehak, et le jour de la rentrée, Kaehak. Il. Tout à fait, Kei désigne l'ouverture et Hak l'étude. C'est donc le thème de notre émission d'aujourd'hui, la rentrée scolaire en Corée du Sud. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Suivez la K-Way. C'est donc cette semaine, lundi dernier, que la jeunesse coréenne a retrouvé les bancs de l'école. Et ce premier jour se tient une grande cérémonie appelée Ipakchik. Le professeur donne un discours et présente les instituteurs ou professeurs principaux de chaque classe. Et c'est vrai qu'ici, en Corée du Sud, les établissements sont beaucoup plus grands et qu'il y a donc beaucoup plus de classes par année. Et puis les parents et même les grands-parents viennent ce jour-là. C'est en effet un jour de cérémonie. Les cours ne commenceront donc que le lendemain. Alors qu'en France, pas de cérémonie, hein, pas de famille donc, et on travaille dès le premier jour. Par rapport aux autres pays du monde, la rentrée en Corée du Sud se déroule donc en mars et l'année scolaire s'étale jusqu'en décembre, avec bien sûr une période de coupure en été. C'est un rythme d'études en effet différent de ce que l'on connaît, en tout cas en Occident, et qui est particulier à la Corée puisqu'il est, à ma connaissance, unique en Asie, même si au Japon, l'année scolaire commence un mois plus tard, le 1er avril, pendant la floraison des cerisiers. Et puis, à part le fait que la rentrée soit à la fin de l'hiver, le rythme d'études pendant l'année correspond davantage à une année scolaire universitaire en France, réglée sur deux semestres en continu, c'est-à-dire sans vacances au milieu. Tout à fait, à part les grandes vacances, évidemment. Et puis, le rythme dans la journée d'école diffère aussi un peu de ce que nous connaissons. Nous allons découvrir tout cela ensemble. Mais avant, en chanson, bonne rentrée à tous. Alors, lundi dernier, c'était la rentrée pour tous. Dissou, est-ce qu'en Corée, on rentre aussi en primaire à l'âge de 6 ans? Eh bien non, on rentre à l'âge de 7 ans. Ah, donc un an plus tard qu'en France et que dans la plupart des pays francophones. Et dans les établissements français, l'enseignement en primaire dure 5 ans, donc normalement de l'âge de 6 ans à 10 ans, et en Corée? Alors, là encore, c'est un peu différent puisque le primaire dure 6 ans, comme les États-Unis, donc les enfants entreront au collège à l'âge de 13 ans. Ah, ce qui est au bout du compte une sacrée différence avec la France. Par exemple, moi je suis né en mars, comme tu l'as dit tout à l'heure, et quand je suis entré au CP, je n'avais pas encore 6 ans. Ce qui fait que quand je suis arrivé en 6e, donc au collège, je n'avais que 10 ans. C'est sûr qu'à cet âge-là, 10 ans et 13 ans, ça fait une sacrée différence. Ça n'a pas été trop dur? C'était pas si facile, d'autant que j'étais interne et que je me suis retrouvé dans les box des 3e, les lits en cathédrale ou en portefeuille. Enfin bon, ça je connais. Mais pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Des histoires du passé. D'ailleurs, en Corée, il y a des internats? Quasiment pas. Il y a quelques écoles privées qui sont un peu éloignées, oui, mais c'est rare. C'est vrai qu'au pays du matin clair, la quasi-totalité des établissements du secondaire sont dans des villes de taille assez importante, alors qu'en France, il y a encore beaucoup de collèges dans des petites villes de campagne. Donc, pour en revenir au système en Corée, le primaire dure 6 ans et le secondaire alors? Eh bien, comme la scolarité totale est de 12 ans, le collège durera 3 ans et le lycée aussi 3 ans. Donc au collège, les jeunes ont de 13 à 15 ans au lycée, ils auront entre 16 à 18 ans. Et tu peux nous dire, Jisoo, comment on désigne les classes? En France, c'est un peu compliqué, hein, surtout en primaire. Et à partir du collège, on compte à rebours, hein, 6e, 5e, jusqu'à terminale. Alors en Corée, on va utiliser le nom Hangnyeon, qui signifie année scolaire. Et on prend les chiffres sino-coréens, il, sam, 1, 2, 3, pour dire en quelle année on est. Par exemple, en CV, on dirait I Hangnyeon, littéralement, deuxième année. Ok, et pour le collège et le lycée, on fait la même chose? Presque. On ajoute seulement Chung devant, qui est l'abréviation de Chung Hakkyo, qui veut dire collège. Donc, si on est en quatrième, on dira Chung I. Et pour le lycée, c'est le mot Kodrakkyo. Pour un élève de seconde, on dira Ko Il. Et pour terminale, Ko Sam. On parle souvent des journées trop longues pour les enfants avec des programmes chargés. On retrouve les mêmes problèmes en Corée? Ah, écoute, moi, comme tu sais, j'ai grandi en France. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes différences sur les horaires de classe et sur les cours. En général, en Corée, en primaire, on finit l'école vers 14 ou 15 heures. Et au collège et lycée, c'est assez similaire avec la France, autour de 17 heures en moyenne. D'accord, mais on dit souvent que les enfants coréens travaillent tout le temps. Bah, c'est vrai, parce que après l'école, ils vont dans des hagwon, ce sont des instituts. Chez les petits, c'est peut-être de l'art, comme du dessin, de la musique, de la danse, mais aussi déjà beaucoup de cours d'anglais et très très vite des maths. Ah, donc c'est en effet souvent une deuxième journée qui commence pour eux. Alors, sur ce plan, il faut préciser à mon sens qu'il y a une différence fondamentale entre les manières d'enseigner en France et en Corée, n'est-ce pas, Dissou ? Ah oui, je me souviens qu'en France, dès les plus petites classes, c'était très ludique, créatif. Beaucoup de discussions, d'exposés, de débats. Je me sentais assez libre en fait. Et puis, on avait des récréations le matin et l'après-midi. Je me souviens plus des moments où je me suis amusé que ceux où je travaillais. Ouais, ça m'étonne pas. Bien sûr, en Corée aussi, il y a des pauses avec des moments où on s'amuse. Mais l'ambiance générale est davantage à l'étude. Et d'ailleurs, après l'école, ce sont quasiment tous les enfants qui vont dans ces hagwon, ces instituts, où l'on se prépare le plus souvent à s'entraîner à passer des tests. C'est vrai que nous, après l'école, on avait nos devoirs à faire, mais on passait plus de temps à jouer. Une différence importante dans l'enseignement coréen, c'est qu'on donne moins l'opportunité aux élèves de s'exprimer ou de débattre. C'est plus axé sur l'apprentissage, surtout apprendre par cœur, avoir le plus de connaissances possible. Mais toi qui étais à l'internat, après les cours, tu pouvais pas sortir de l'école, alors tu faisais quoi ? Bah, on était en étude jusqu'à l'heure du dîner, et après on retournait en étude avant d'aller au dortoir. Mais c'était le bagne. Tu plaisantes ? C'était au contraire les plus belles années de ma vie. Qu'est-ce qu'on a rigolé ! J'ai même tellement aimé que j'ai fait deux fois ma cinquième. De France Gall, c'était le jeudi, le jour de repos. Pour nous, c'était le mercredi après-midi. On pouvait sortir pendant deux heures, mais bon, moi, j'étais souvent collé. C'est vrai qu'on faisait plutôt le mercredi après-midi. Et puis, on avait aussi les vacances. Toutes les sept semaines, deux semaines de vacances. À la Toussaint, à Noël, les vacances d'hiver, Pâques. Et puis, on avait les grandes vacances, deux mois en été. Oui, alors là aussi, c'est une grande différence avec l'année scolaire coréenne. Parce qu'en Corée, l'année est coupée en deux semestres. De mars à mi-juillet, de la mi-août au 20 décembre environ. Un mois de vacances d'été et un peu plus d'un mois de vacances d'hiver. C'est vrai qu'en hiver, il fait trop froid pour aller à l'école. Mais même s'il n'y a pas d'école, les enfants continuent d'étudier dans les fameux instituts. Il n'y a pas de colonie de vacances, ça s'arrête en fait rarement. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi on fait étudier autant les jeunes coréens? Alors pourquoi? Parce que la compétition est féroce. Le but de chaque élève est d'intégrer une grande université. Tu as raison. Mais je pense que c'est le cas dans tous les pays. Le fait est qu'en Corée, les lycéens se préparent à passer un test dont le résultat va déterminer l'université qu'ils pourront intégrer. Et c'est primordial pour leur avenir. D'autant que ce test se déroule sur une seule journée. Toutes les matières s'enchaînent et il faut être bon, même très très bon partout. Et ce test capital s'appelle Sunam. Le Sunam, que l'on pourrait traduire par test d'aptitude scolaire, Teaksuak Mungyoksiom, est un examen qui est utilisé pour l'admission aux universités sud-coréennes. Créé officiellement en 1994, il est réputé pour son haut niveau d'exigence. Oui, c'est la terreur pour tous ces terminales dont l'unique but est d'entrer dans une université coréenne prestigieuse. Dès le matin, les parents des jeunes sont devant les écoles pour les encourager, prier. Les plus jeunes amis du lycée sont là aussi. Et cela touche le pays hein, tout entier, avec une police mobilisée, des horaires décalés pour les entreprises, des chantiers avoisinants mis à l'arrêt. Les transports sont aussi affectés, avec entre autres une interdiction aux avions de voler pendant certaines épreuves. Tu es échappé à tout ça. Oui, et je dois avouer que je suis bien content parce que la pression a l'air vraiment énorme. Peut-être même démesurée. On en reparlera à l'occasion. Cette année, ce fameux Sunam aura lieu jeudi 14 novembre. Mais, même sans l'avoir passé, j'ai eu la chance de t'accueillir Dans mes cours à l'université. Et oui, après mes études supérieures en France, j'ai intégré le département de langue et de littérature française de l'université Chung-Ang où tu enseignais. C'était d'ailleurs important pour moi d'avoir un français à qui parler parce que ça a pris un peu de temps pour m'intégrer dans le système coréen. J'imagine. En tout cas, moi aussi, j'ai été ravi de faire ta connaissance et de t'avoir pendant 4 années dans mes cours. Ah, quand j'y pense, c'est un peu grâce à moi que t'es devenu ce que tu es. Oui, professeur, en tout cas, c'est grâce à toi que je travaille avec ABS et en plus, on se retrouve ensemble pour animer cette superbe émission. Je sais, les gens, qui s'aiment ont un jour ou l'autre leur chemin qui se croise à nouveau. Allez, on fait le point sur cette rentrée scolaire en Corée qui a donc lieu le 2 mars, cette année le 4, et qui se répartit sur 2 semestres globalement de mars à juin, juillet et d'août, septembre à décembre. Les élèves entrent en primaire à l'âge de 7 ans, primaire qui s'étale sur 6 années, avec un secondaire également sur 6 ans, 3 ans au collège et 3 ans au lycée. Les jeunes terminent donc le lycée à 18 ans, en passant un test qui s'appelle Suneung, et entrent à l'université à 19 ans, qui est l'âge en Corée de la majorité. C'est donc après une longue et forte pression subie pendant 12 années qu'ils profitent de leur statut d'adulte pour s'amuser et découvrir les plaisirs de la vie. Ah ouais, j'espère qu'ils n'ont pas tous attendu de sortir du lycée pour s'amuser. C'est de leur âge tout de même. En tout cas, une chose est certaine, le rythme de travail est excessivement soutenu parce que le Graal est d'entrer dans une université prestigieuse. Merci, Jisoo, d'avoir été pendant 4 ans un étudiant agréable et sur qui je pouvais compter. C'est moi qui remercie mon sensei-mime de s'être bien occupé de moi et j'ai beaucoup de bons souvenirs grâce à toi. Oh, t'es trop mignon. Allez, viens, tu mérites une bise. Non, ça marche toujours pas. Allez, bonne rentrée à vous tous et amusez-vous bien pendant cette nouvelle année scolaire. Bien sûr, profitez-en, l'école c'est magique. Étudiez, amusez-vous en même temps, c'est la clé du succès. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci à nos deux charmantes réalisatrices. Hayoung et Hongju, on vous embrasse tous. Annyeong.